moi ça faut nettoyer. Mémoire moins pour tirer. Souvenir nous a dit. Nous t'es carré souvent. Nous a passé bon temps.